qu'on pourrait appeler intelligente parce qu'elle est reliée au temps et à l'espace, même si elle est de type extraterrestre. Alors, ce qui fait que l'énergie supramentale est intelligente parce qu'elle n'est que l'expression d'une énergie non intelligente de beaucoup supérieure à l'énergie supramentale. Alors, disons que contrôler l'évolution de la planète, c'est un peu une farce. Qu'est-ce qui contrôle? Qu'est-ce que le contrôle? Le contrôle, dans le sens réel d'une forme contrôlée, dépend évidemment d'une énergie contrôlable. Donc, il y a une énergie qui, de par elle-même, selon l'expression qu'elle a d'elle-même dans notre univers, n'arrive pas à déterminer intentionnellement elle-même la forme d'expressivité qu'elle va employer pour, disons, vivre dans notre univers. Donc, cette forme d'énergie-là n'a pas le contrôle sur elle-même et n'a donc pas le contrôle sur l'extérieur d'elle-même. Alors, une énergie qui peut contrôler est une énergie qui, par son expression, va entraîner avec elle, donc avec l'expression, des formes d'énergie qui, eux, n'ont aucune expression si elles ne sont pas maniées par une forme d'énergie expressive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un esclave qui, là je prends un exemple réellement matériel pour essayer d'expliquer le contrôle de la planète, c'est à vous autres de faire le pas entre les deux. Un esclave qui est génétiquement esclave, donc qui a une éducation d'esclave ou qui a un complexe d'infériorité extrêmement poussé, ne peut pas se sentir vivant, ne voit pas qu'il vit, ne voit rien s'il n'a pas un maître à côté pour le contrôler. L'enfant qui n'a personne pour l'éduquer, ben lui non plus ne peut pas se sentir vivre, lui non plus ne se voit pas, lui non plus n'a ni identification ni personnalisation, lui-même par rapport à lui n'existe pas. Il a besoin d'une personne comme l'esclave a besoin d'un maître. Alors, ce qui fait que l'homme sur la Terre ne peut pas lui-même se contrôler parce que l'homme sur la planète Terre ne peut pas, et il ne peut pas présentement, puis avant un bon bout de temps, être capable de voir dans sa conscience le cheminement total et global de l'évolution de l'univers dans lequel il est placé. L'homme présentement ne perçoit même pas l'univers. Il ne perçoit même pas le système solaire et il ne peut à peine percevoir la Terre, donc la planète sur laquelle il est placé. Alors, ce qui fait que l'homme, ne percevant rien de ce phénomène d'évolution globale-là, alors automatiquement, l'homme ne peut pas être dans un état de contrôle. L'homme a donc besoin, pour pouvoir prendre conscience qu'il est là, l'homme a besoin de contrariété, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'être manipulé. La manipulation, donc le contrôle, qu'elle soit faite par une intelligence aberrée ou une intelligence supérieure, ne permet à l'homme que de pouvoir prendre conscience qu'il est là. Et après avoir pris conscience qu'il est là, l'homme, dans son cheminement, finit par découvrir qu'il a une possibilité de manipulation sur l'extérieur, parce que de temps en temps, l'homme, c'est-à-dire vous, rencontrez des individus qui sont encore moins conscientisés que vous, donc qui n'ont encore qu'une identification qui est réellement en train de germer, ce qui permet à vous, étant manipulé, de pouvoir manipuler autrui, plus faible que vous. Ce qui fait que vous autres, vous finissez par découvrir par ce phénomène-là le fait que vous êtes manipulé. Parce que si l'homme n'arrive pas à manipuler quoi que ce soit, l'homme ne peut pas prendre conscience qu'il est manipulé. L'homme vit dans un monde de dualité. Et dans un monde de dualité, ben, il y a le contrôle et il y a le non-contrôle, c'est-à-dire qu'il y a le contrôlable et le contrôlé. Si on regarde juste la perfection, alors c'est évident que dans le monde dans lequel on est placé, la perfection est totalement imparfaite. La perfection, c'est quoi? C'est quand tout est parfait. Parce que si tout n'est pas parfait, il n'y a pas perfection dans l'homme, dans le domaine où l'homme vit, donc dans l'univers, disons, plus immense encore que l'univers qu'on voit avec nos appareils, avec nos télescopes. Dans cet univers-là, la perfection elle existe que si tout est parfait. Mais pour être parfait, il faut être parfait dans tout. Donc, pour être parfait dans tout, il faut avoir une perfection parfaite ou être parfait dans la perfection. Mais être parfait dans la perfection, c'est être capable d'être parfait dans l'imperfection pour être parfait. Alors, ce qui fait que la perfection, disons, c'est un petit détail, la perfection sur la planète Terre, c'est une chose absolument impossible, qui n'est que conceptuelle par rapport à un ego et une idéologie de l'ego qui, lui, essaie d'imiter une forme d'énergie manipulatrice, donc qui le contrôle, et l'ego ne pouvant contrôler l'extérieur comme cette énergie manipulatrice-là, alors l'ego, donc l'homme, la conçoit comme étant parfaite. Et l'homme, à travers la perfection de tous les dieux qu'il veut, ne comprend pas pourquoi des choses comme des naissances de monstres, d'enfants mal formés, ne comprend pas pourquoi qu'un individu qui fait le bien a une tumeur au cerveau, tandis qu'un individu qui est un assassin, qui est dans une prison, vit dans une parfaite santé. L'homme ne peut pas comprendre pourquoi un être parfait laisse des choses aussi imparfaites arriver ou naître sur la terre. L'être parfait, s'il est parfait, est parfait dans sa perfection et dans son imperfection, ce qui est une totalité, une globalité. Alors la perfection sur la terre ne peut découler que de choses bonnes et que de choses mauvaises. Et là, il y a perfection dans un monde de dualité. On ne peut présentement obtenir ou atteindre aucune autre forme de perfection que la perfection dans la perfection et automatiquement la perfection dans l'imperfection. C'est d'ailleurs pourquoi que quand les forces du bien augmentent, bien évidemment les forces du mal augmentent aussi. Parce que notre univers est parfait, autant qu'il peut être parfait en étant duel. L'esprit qui contrôle l'évolution de notre planète n'est pas une intelligence. Parce que l'intelligence qui contrôle la planète, c'est une forme d'énergie reliée à une mémorisation extraterrestre et à une mémorisation planétaire, donc à une forme planétaire quand on parle du contrôle relié à la planète, donc de l'astralité planétaire et lentement de la mentalité planétaire. Mais l'intelligence qui dirige réellement le schéma global d'évolution de la planète Terre est une intelligence qui est extraplanétaire et qui est galactique. Mais cette intelligence galactique-là est intelligente parce qu'elle est mémorielle. Une mémorialité totalement différente de celle de la planète Terre, une mémorialité qui a vu des millions et des milliards de planètes Terre évoluer. Donc, une mémorialité qui peut, si vous entrez en contact avec elle, vous donner un savoir instantané des phénomènes planétaires. C'est une intelligence, mais elle ne dirige pas complètement dans l'intégralité de sa forme l'évolution planétaire ou l'évolution des planètes en évolution. Une forme d'énergie extra-galactique, extra-temporelle, donc qui n'est pas reliée aux phénomènes du temps et de l'espace, n'est ni intelligente, ni parfaite, ni quoi que ce soit. Elle est en dehors du temps, elle ne peut pas être cataloguée, donc on ne peut pas la connaître. Connaître une énergie intemporelle, c'est impossible, parce que ce que l'on connaît n'est qu'une énergie temporalisée, parce qu'on l'a en mémoire, et parce qu'elle est en mémoire, on peut la connaître, on peut donc la qualifier, lui donner un qualificatif. Aucune forme d'intelligence ne contrôle l'évolution de la planète dans son intégralité, parce que, justement, l'intelligence n'est que mémorielle. Mais l'homme ne pouvant avoir globalement un état d'intelligence ou un état de mémoire, même le vôtre, vous ne pouvez pas voir globalement votre ego, votre âme, ben automatiquement, vous ayant un contact avec une énergie immensément plus grande en termes de mémoire, on a l'impression qu'elle est intelligente, qu'elle est divine. Encore là, que la divinité est un qualificatif que l'homme donne aux énergies temporelles et spatiales, donc qui ont une forme d'espace, une forme matérielle ou vitale ou astrale ou mentale ou supramentale. Alors, ce qui fait que les énergies qui réellement contrôlent la planète, qui contrôlent le système, qui contrôlent les galaxies de l'univers spatiale et temporelle ne sont pas intelligentes. Et quelle est l'intelligence dont l'esprit contrôle l'évolution de cette planète? Disons que si on veut parler d'intelligence qui a un esprit qui contrôle la planète, on va donc parler d'intelligence supramentale, donc d'intelligence mémorielle galactique. L'être humain a divisé, pour permettre la compréhension, les phénomènes de son évolution en différents plans ou différents corps. On a donc le plan physique, le plan vital, le plan astral, le plan mental, le plan supramental, le plan bouddhique et le plan divin, dans le domaine spatio-temporel dans lequel va s'exprimer notre univers, donc notre planète. Mais si on comprend ce qu'est la mémoire, si on comprend ce qu'est l'astral, si on comprend ce qu'est le temps et l'espace, bien évidemment, on comprend que le corps physique est de l'astral densifié, car il garde sa forme, il est donc mémoire. Le code génétique est une transformation matérielle de la mémoire. Le vital est astral, il est mémoire. L'astral est astral, il est mémoire. Le mental, issu de l'astral, n'existe que par la mémoire. Donc, dans les quatre plans, bas ou planétaires, l'homme n'est qu'astral, l'homme n'est qu'un phénomène mémoriel. L'homme n'est qu'astral. Mais cette astralité-là a tendance à se spiritualiser ou encore à devenir de moins en moins dense. La densification totale de l'ego étant le corps physique, la densification la plus minimale dans le contexte planétaire de l'astral, bien évidemment, va être le corps mental. Mais l'énergie mémorielle qui présentement descend sur la planète Terre, l'énergie supramentale, est une énergie de l'astralité galactique, donc on est encore au niveau de l'astral. Et jusqu'au plan divin, donc au septième plan, le plus supérieur dans l'évolution de notre galaxie, on reste au plan mémoriel, mais une mémorialité tellement vaste que l'homme ne la conçoit pas comme étant une mémoire. Et c'est pas parce que l'homme ne conçoit pas une chose que la chose n'est pas ce qu'elle est. Le kangourou s'est pas mis à exister quand l'homme l'a découvert. Daniel, je crois que on peut faire une différence dans l'astralité galactique et l'astralité planétaire, dans ce sens que l'être a accès à l'astralité ou les mémoires de la planète, tandis qu'il n'a pas accès comme tel, quand il veut de la même façon, du moins, à l'astralité galactique dont tu parles, qui est l'énergie supramentale. Non, mais simplement parce que son évolution physique et son évolution sur ces plans-là n'est pas complétée. L'animal n'a pas accès à l'astralité planétaire comme l'homme y a accès. Et l'homme n'a pas accès à l'astralité supramentale, par exemple, ou encore aux énergies supramentales, comme des certaines entités. Donc, l'esprit de l'homme, donc les énergies extraplanétaires sont l'esprit de l'homme, sont la tête de la planète. Bien, quand l'esprit de l'homme va se développer, l'homme va avoir accès à l'énergie supramentale, donc aux mémoires supramentales, de la même façon que présentement, son ego a accès aux mémoires planétaires. C'est qu'on dit qu'il faut que l'homme change de plan, en quelque sorte, qu'il devienne un surhomme pour avoir accès. Surhomme par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est que pendant un certain laps de temps, l'homme a pensé qu'en exprimant son émotivité, il était parfait. Alors, c'était un fait, disons, réel pour l'ego. On découvre que l'homme, en exprimant sa mentalité, donc l'énergie mentale, pour bien confirmer le terme, mentalité, l'homme arrive à être un surhomme. Parce que l'homme n'est plus manipulé par les phénomènes astral planétaires, ni les phénomènes de son astralité individuelle. Donc l'homme étant mental peut, s'il le veut, exprimer des formes d'émotivité, parce qu'en termes de communication ou en termes de replacer des énergies dans l'ordre, le mental le permet. Mais l'homme découvre présentement qu'il existe une autre forme de conscience, donc une autre forme d'énergie, l'énergie supramentale, qui n'est pas reliée à la planète Terre, par contre, qui est reliée à notre galaxie, hein, et même à notre système solaire, pour une grande partie de l'énergie supramentale. L'homme va découvrir à un moment donné qu'il doit laisser cette énergie-là s'exprimer. Et la laissant s'exprimer, l'homme devient immensément plus haut que ce qu'un être mental pourrait faire. Et l'être mental est beaucoup plus fonctionnel beaucoup plus adéquat et beaucoup moins souffrant que l'être psychologique, donc que l'être astral. Mais le chemin ne finit pas là. L'énergie supramentale n'est pas une énergie intemporelle. Elle est dans une forme de temps différente de la temporalité planétaire. Elle serait dans une forme de temps, disons, qui peut être étirée et condensée de manière hyper rapide, disons ce qu'Einstein appelait l'hyperespace. Mais à l'extérieur de cet espace plus grand, plus vaste, mais qui prend moins de temps à parcourir, ce qu'est l'hyperespace, on a une forme d'énergie qui n'est pas temporalisée. Et l'énergie qui a créé tout le continuum spatio-temporel, donc qui a créé l'endroit dans lequel l'homme évolue, la planète Terre, entre autres, qui est une parcelle très infime de cet univers-là, les énergies qui ont créé ça, les énergies réellement créatrices, ceux-là ne sont pas impliqués dans l'évolution de tout le schéma planétaire. Ce qui va être impliqué dans ce schéma-là, c'est des formes d'énergie qui sont immortelles, qui n'ont pas de fin, mais qui ont connu un commencement. Donc, qui ont été créées. Parce qu'à l'extérieur du phénomène temporel, donc à l'extérieur des univers qui nous côtoient, les énergies qui sont là n'ont jamais connu de commencement et ne connaîtront pas de fin. Maintenant, dans l'immortalité des énergies, il y a des formes d'énergie qui n'ont jamais connu de commencement, mais qui vont connaître une fin. Il y a des énergies qui ont connu un début, mais qui ne connaîtront jamais de fin. Ils sont donc immortels et intemporels, eux aussi. Et il y a des énergies qui n'ont connu ni de commencement et qui ne connaîtront pas de fin. Mais ces énergies-là ne rayonnent pas présentement dans notre continuum de temps. Est-ce que tu fais référence aux énergies bouddhiques ou divines à ce moment-là? Non. L'énergie bouddhique et divine sont des énergies temporelles liées au schéma de nos galaxies. L'être physique a en mémoire, donc la mémorialité astrale d'une forme matérielle, c'est la représentation de la matière, de la planète Terre. La mémorialité du vital, donc de l'astralité vitale, c'est la représentation de la vitalité planétaire, la mémorialité de l'astral planétaire, c'est la représentation encore de l'astral individuel et la représentation de notre astral planétaire, donc une forme d'énergie toujours reliée à l'ego planétaire, mais qui de plus en plus est attirée par des énergies supérieures extraplanétaires. Donc on a un verre et par l'effet d'une immense aimant, on finit par attirer les vibrations, donc on finit par subtiliser les vibrations de la matière en créant un vital, un astral, un mental. Et si on a notre mental, donc si on s'éloigne un peu plus, l'astralité planétaire totale, dans sa plus haute forme d'expression, s'arrête au niveau mental. Par contre, quand l'œuf, donc quand le périsprit est devenu mental, cet œuf-là peut finir par éclater et automatiquement la Terre peut donc avoir accès à une nouvelle couche, comme les quatre couches qu'on vient de décrire, et c'est la couche supramentale, qui, elle, relève de notre galaxie. Si tu arrives à personnaliser cette couche-là, donc la Terre finit par s'en accaparer de façon à ce que l'énergie planétaire soit de type physique, vital, astral, mental et supramental, ce qui n'est pas le cas présentement, tu arrives à pouvoir avoir accès à une énergie qui s'appelle en ésotérisme l'énergie bouddhique. Toujours temporelle et spatiale, l'énergie de plusieurs galaxies. Et plus loin, l'énergie divine qui serait, disons, l'enveloppe totale de ce qui contient le temps et l'espace. Et quand tu personnalises l'énergie divine, tu arrives, et là c'est pas un être qui le fait, ce sont toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les formes d'énergie, donc c'est pas immédiatement tout de suite. Quand tu personnalises, disons, le périsprit de ce super univers-là, tu finis par le faire éclater, et là, le temps et l'espace n'existent plus. Par contre, l'homme a la capacité, présentement sur la Terre, d'arriver dans un état où il peut être indépendant du temps et de l'espace. Et étant indépendant du temps et de l'espace dans son phénomène d'évolution, cet être-là disparaît de notre continuum spatio-temporel, donc il n'a plus accès au même corps que le nôtre. Il a accès à un corps qui peut ressembler au tien, à un corps qui est similaire au corps physique, mais un corps qui, on pourrait Donc, dans le terme ésotérique, on va l'appeler un corps morantiel. Mais ce n'est pas le corps physique. C'est un corps qui est en dehors du phénomène du temps et du phénomène de l'espace. Et c'est un corps dont l'être lui-même n'est pas encore en fusion, même s'il a un corps morantiel. Par contre, cet être-là s'approche de la fusion. Un être qui fusionne n'a plus de corps physique, par contre, a la possibilité d'avoir accès à une forme d'énergie totalement différente, mais qui peut, lui-même, peut la rabaisser et lui donner une certaine forme, ce qui est le corps morantiel. Cet être-là, dans peu de temps, peut finir par traverser au complet les hyper-univers pour avoir accès à l'énergie qui est plus haute que l'énergie supramentale, plus haute que l'énergie bouddhique, plus haute que l'énergie divine, et à une énergie non intelligente, une énergie qui est en dehors du temps et de l'espace, donc, disons, l'énergie réelle de la création. Quel point Jésus de Nazareth a-t-il atteint dans ces différentes couches d'énergie? Le Nazaréen a dépassé l'énergie divine. Le Nazaréen a dépassé, évidemment, l'étape de la fusion, qui était, ce qui a été vers la fin. Le Nazaréen a même dépassé l'étape de la créativité, c'est-à-dire que lui était un être humain. Évidemment, il avait, de par un phénomène génétique, une capacité physique de recevoir des énergies réellement plus élevées que la masse. Il était le Nazaréen. Soudainement, il a compris qu'il était en relation intime avec des formes d'énergie supérieures. Donc, son ajusteur de pensée. Son ajusteur de pensée a été personnalisé. Donc, il savait l'ajusteur qui il était, ce qui n'est pas le cas présentement chez l'homme. D'ailleurs, son mental n'est même pas personnalisé. Alors, le Nazaréen a fini par vouloir s'occuper du phénomène des choses de son père dans le ciel. Donc, il voyait déjà, à l'âge d'une douzaine d'années, tout le phénomène planétaire, des quatre corps planétaires, et il voyait au complet l'astralité, la mémoire planétaire, ce que l'être humain ne arrive même pas à faire avec sa propre mémoire. Bon. Par après, le Nazaréen, continuant son cheminement, a eu accès à différentes formes d'initiation, à différentes initiations, je parle par là d'initiation tout seul que la vie lui a amené, soit dans un désert, soit sur des montagnes, ou soit simplement à l'intérieur de lui. Et le Nazaréen a commencé à savoir qu'il était, parce que son énergie se transformait et lui devenait, mais il ne l'était pas à la naissance, lui devenait réellement la vie. Je suis la vie. Donc, je suis l'énergie vitale, conscientisée, personnalisée, ce qui est loin d'être le cas pour nous autres. Parce qu'on va nous autres, présentement, dans l'évolution, l'homme va personnaliser son énergie mentale bien avant de personnaliser son énergie vitale. Et quand le Nazaréen était la vie, alors il guérissait. Parce que l'énergie vitale qu'il avait et qui était, lui, personnalisée, pouvait maintenant guérir. Plus loin, qui es-tu? Ben, je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ça veut dire que je suis la création suprême d'une énergie divine. Mais là, il a commencé à parler du Dieu dans les cieux. Le Dieu dans les cieux est l'énergie divine périphérique au temps et à l'espace. Donc, serait l'enveloppe de nos super-univers, nous autres, qui retient le temps et l'espace à l'intérieur. À l'extérieur de ça, tu as une... c'est pas une divinité, c'est pas un Dieu, mais c'est son Père, ce que lui appelait son Père. On peut revenir sur ces définitions-là parce que Jésus a eu plusieurs pères. Où, à cet endroit-là, il n'y a pas d'espace ni de temps. Non, il ne peut pas en avoir. Notre Nazaréen, continuant son cheminement, donc continuant sa conscientisation sur différents plans, est venu un jour à répondre à la question « Qui es-tu? » Il a répondu « Je suis. » Donc, il venait de parfaire, de finaliser différents phénomènes, parce que l'être qui évolue ne passe pas par la fusion dans le même moment qu'un autre être qui va évoluer. Tu peux fusionner après avec quatre corps, tu peux fusionner avec cinq corps, avec sept corps. Le Nazaréen, lui, a continué son cheminement sur la planète Terre et a retardé sa fusion pour pouvoir développer plusieurs formes d'énergie et pour pouvoir faciliter la sortie du temps et de l'espace. Parce que celui qui fusionne les corps liés au temps et à l'espace, en exemptant un ou deux ou trois corps, bien lui reste pris dans le schéma des temps. Et c'est le cas de différents maîtres. ou de différentes entités qui vont présentement gérer la planète Terre. Ce sont donc des intelligences dont l'esprit va gérer l'évolution sur la Terre. Intelligence parce que reliée à une mémoire galactique, une mémoire quand même. Notre Nazaréen, à un moment donné, arrive à un point tel qu'il est capable de gérer lui-même l'évolution de certains individus qui sont prêts, évidemment, qui ont un physique adéquat. Et il est capable lui-même de, étant donné qu'il est devenu la vie et qu'il est « je suis », ça veut simplement dire qu'il est présentement dans un état de vie totale, donc qu'il n'est plus relié au passé et à l'avenir, donc qu'il n'est plus relié au temps. À ce moment-là, il aurait manifesté l'esprit dans le physique. Oui. Et pas tout à fait, pas intégralement, il lui manquait encore juste quelques phénomènes pour exprimer le fait qu'il était intemporel. Mais présentement, il était rendu au niveau de conscience de l'intemporalité. Il était donc devenu immortel. Ce qui fait que le Nazaréen n'est pas mort sur la croix. Son physique est mort sur la croix. Il s'est passé différentes choses pour lui permettre à lui de revenir dans des plans inférieurs pour parfaire les différents corps qui n'étaient pas parfaits. Donc, il est redescendu aux enfers. Il est revenu par après dans une entité moroncielle. Le corps physique s'est désagrégé et a pourri rapidement à une vitesse absolument incroyable. Beaucoup plus rapidement qu'un corps physique normalement va pourrir. Ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé son corps physique dans la grotte où il était, pour la simple raison que ce corps-là ne s'est pas levé. Ce corps-là a disparu. Il a pourri, mais d'une vitesse hyper rapide. Il était absolument inutile. Le vital a quitté immédiatement parce qu'il y a un corps morantiel qui a été créé et le corps physique n'avait réellement plus rien. Donc, étant en dehors du temps, toute l'énergie vitale au complet du Nazaréen, ben le corps physique a dû simplement disparu et rester juste la guenille là. Ce qui a permis aussi différentes influences sur cette guenille là. Bon, quand je dis guenille, disons que le Saint-Suaire. Bon. Alors, vous m'en finissez juste ça de parlant de bois. Alors, ce qui arrive, c'est que le Nazaréen, par après, ou juste avant sa mort, en était rendu à un point tel où il était capable de pouvoir surmonter les phénomènes de la mortalité, surmonter les phénomènes des différents corps liés au temps. Et le Nazaréen a, avant de faire l'expérience sur lui-même, donc pour pouvoir réellement pas prouver, on pourrait apprendre ce terme-là dans le langage français, prouver, mais prouver, ça veut dire que tu te prouves à toi, mais ça veut aussi dire que tu établis un fait. Et établir un fait, ce n'est pas prouver par rapport à l'ego. Alors, pour établir un fait dans les énergies, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible par l'être humain avec les mots de langue française pour l'instant, qui d'ailleurs c'est compréhensible avec d'autres mots. Le Nazaréen a simplement, soit en termes bien banals, tenté une expérience, et après avoir tenté l'expérience s'étant révélée correcte, le Nazaréen était donc prêt, le temps était venu pour qu'il s'en aille. Mais il n'y a aucune énergie créatrice. Donc, son père ne sait jamais, c'est pas son père. Quand je parle du père intemporel, donc qui est à l'extérieur de nos énergies universelles. Ce père-là n'a jamais voulu que le Nazaréen meure sur une croix ou qu'il se passe différents phénomènes dans le genre. L'être humain avait une personnalisation de masse très, très, très négative à l'époque, on regarde l'évolution de la planète à cette époque-là. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, les phénomènes, le Nazaréen les a permis parce que ça lui permettait non seulement d'établir une forme d'énergie sur la planète Terre qui permettrait à l'être humain, à la race humaine, d'avoir accès à des énergies supérieures. Donc, l'être humain ayant besoin de preuves pour croire, parce que l'être humain avait besoin d'une preuve qu'il avait fait mal pour se sentir coupable, pour hausser son taux vibratoire, le Nazaréen a accepté de passer par la crucifixion, par tous les supposés martyrs. Lui n'a pas souffert parce qu'il faut, mais disons qu'un être humain normal aurait souffert, donc on appelle ça un martyr, pour pouvoir culpabiliser la race humaine d'une façon telle que dans la mémoire de l'astral planétaire, le souvenir de son passage va rester, donc l'énergie astrale planétaire et l'énergie donc de la planète va pouvoir être augmentée, ce qui va permettre aux énergies extraplanétaires d'être attirées par l'énergie planétaire. Donc, en ce sens, comme on dit souvent, il a sauvé l'être humain. Mais C'est pas nécessaire qu'il passe par une crucifixion pour redescendre aux enfers, pour aller faire son travail. Lui, il l'a accepté pour augmenter l'énergie vibratoire de la planète Terre, ce qui a facilité son retour aux enfers et ce qui a facilité sa sortie de là. Mais juste avant ça, il devait vérifier, c'est-à-dire est-ce que c'est le temps qu'il disparaisse ou non, son travail, est-ce qu'il est fait ou non. C'est simple. Quand ton travail est fini, quand tu es un initié, ben, tu n'es plus de ce monde. Puis si tu es encore vivant, c'est que le travail sur toi n'est pas fini. Alors, le Nazaréen a donc tenté une expérience. Tenter une expérience, vous voyez, même pour qu'on puisse communiquer, parce que c'est pas, donc les mots ne sont pas adéquats. Alors, avec un autre initié, il a tenté l'expérience et ils se sont amusés, disons, entre guillemets, à jouer avec la mort. Et ils ont parfait différents corps. Ils ont finalisé les retours aux enfers, ce qui, normalement, pour finaliser un retour aux enfers et pour parfaire les corps dans le sens que le Nazaréen a voulu faire, c'est-à-dire pas de fusion tant qu'il n'y a pas de personnalisation physique, personnalisation vitale, guérison, personnalisation astrale, charisme, personnalisation mentale, compréhension des effets, des phénomènes et de tout ça, personnalisation supramentale, personnalisation bouddhique, personnalisation divine, là, il y a fusion et il y a disparition au niveau du phénomène temporel et spatial. Et c'est ce que la question que l'homme recherche, celle contre laquelle, disons, moi, je vais devoir travailler à un moment donné, c'est une fusion des cinq plans, donc du plan supramental aller en descendant. Mais cette fusion-là bloque l'homme dans le continuum de l'espace-temps, comme différents initiés ont été bloqués, et oblige ces initiés-là à devoir travailler dans l'évolution planétaire parce que ces initiés-là ne pourront pas être libres de l'espace-temps tant qu'il va exister de l'espace-temps. Alors, c'est pourquoi que ces maîtres-là aident donc l'humanité parce qu'ils sont pognés avec l'humanité, ils sont pognés avec l'espace-temps. Par contre, le Nazaréen n'a jamais été pris avec l'espace-temps. Lui, il a fait un chemin différent. Il était évidemment hautement plus vibratoire, donc disons plus évolué, que les grands initiés. Il est d'ailleurs devenu leur maître, si on peut dire, en termes de vibration, parce que lui a personnalisé tous les sept sous-plans inférieurs ou les sept plans reliés à l'espace-temps pour pouvoir disparaître. Alors, quand ça s'était fait, pour le finaliser, donc pour l'exprimer, parce que tu l'as en conscience, mais quand tu l'exprimes, il est fini, il est finalisé, c'est réglé. Alors, juste avant, il a permis à un autre individu de pouvoir finaliser, parce qu'il n'était pas tout seul à évoluer sur la Terre à ce moment-là. Alors, il a permis à un autre individu de pouvoir finaliser des choses pour lui-même. Et le travail s'est fait, et ça l'a traumatisé énormément d'individus. Qui était cet individu? Naturellement, il fallait que la question vienne, Daniel. Selon toi, c'était qui? Lazare? Tu le sais, oui, c'était Lazare. Maintenant, dans les livres sacrés qu'on a eu en héritage, lorsque tu parles de jouer avec la mort, est-ce que tu parles de au moment où Jésus a soi-disant ressuscité Lazare? Il n'était pas mort, Lazare, oui, c'est ça. Soi-disant ressuscité. C'est de ça que tu fais allusion. Qu'est-ce que c'est qui s'est produit à ce moment-là, au juste? Pourquoi est-ce qu'on a laissé sous apparence que Lazare était décédé et qu'il est venu de... Bon, premièrement, le Nazaréen avait averti les personnes qui connaissaient Lazare. On l'avait averti, le Nazaréen, que Lazare était malade. Lui, il leur a dit que ce n'était pas une maladie, ou du moins que c'était une maladie qui n'entraînait pas la mort. Pas question d'expliquer d'autres choses, manquait de mots puis manquait de personnes pour comprendre. Lazare a été malade, c'est-à-dire que Lazare a eu des douleurs physiques, a eu des transformations, on appelle ça nous autres des mutations. Quand Lazare a été suffisamment parfait pour pouvoir lui-même refaire une descente aux enfers, pour pouvoir finaliser des choses, lui n'avait pas, ne pouvait pas être en fusion, comme le Nazaréen l'a été par après, une fusion sous les sept plans. Donc, il n'était pas capable, suffisamment capable encore, de pouvoir le faire de par sa propre énergie. Alors, le Nazaréen... Est-ce qu'il était sur cinq plans, lui, Lazare, à ce moment-là? Oui, il était en contact avec l'énergie supramentale. Okay. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le Nazaréen et lui, d'ailleurs, qui avaient une relation hyper intime ensemble, le Nazaréen a simplement offert à Lazare la possibilité de faire ce cheminement-là, ce qui va hausser le taux vibratoire de la planète, ce qui va faciliter le travail du Nazaréen, ce qui va évidemment faciliter le travail de Lazare puis de d'autres individus avec qui les ont côtoyés à cette époque-là. Alors, ce qui fait que, disons brièvement, Lazare est entré en contact avec l'énergie supramentale. Il a travaillé surtout au niveau supramental, ce qui fait que le corps physique présentement a commencé à souffrir parce qu'il y a eu des transformations au niveau du physique, donc il était malade. Le Nazaréen savait ça et le Nazaréen dirigeait ça aussi. Alors, ce qui fait que quand Lazare est mort, le corps physique est mort, mais la vitalité et tout ça sont restés là. Lazare avait une personnalisation vitale, donc il peut facilement ressusciter un corps, sauf que Lazare manquait de phénomènes énergétiques pour pouvoir retrouver son chemin, c'est-à-dire pour pouvoir revenir à un corps physique et revitaliser une entité physique pour pouvoir la ranimer. Le Nazaréen n'a jamais fait ça pour son propre corps, c'était inutile. Est-ce que c'était de l'attraction qui lui manquait à Lazare? Exactement. À ce moment-là? De la loi d'attraction, soit exactement. De l'amour. Exactement. Alors, ce qui fait que quand Lazare est mort, le Nazaréen, lui, quand il s'est présenté là, le travail était accompli. Les pierres ont été déplacées, pas par des êtres ni par Jésus. Et Lazare était à l'intérieur, et puis simplement, le Nazaréen, il l'a simplement appelé. Il l'a appelé comme on dit qu'il l'a appelé Lazare, là, mais il l'a appelé. Pour que les gens comprennent à ce moment-là. Exactement. Et ça se faisait vibratoirement, ça. C'est exactement, toujours juste par vibratoirement. Vibration. Quand le Nazaréen parlait ou priait ou parlait en public à son Père dans les cieux ou dans le ciel, s'il le faisait, c'était juste pour enseigner aux autres comment lui le faisait, que lui était en contact avec ça. Mais ce n'était pas ni pour son ego, c'est simplement pour que ça reste au niveau des mémoires. Ça, c'est important, parce que si ça reste au niveau des mémoires, la vibration de l'astral augmente, on crée donc une phase spirituelle à l'astral, qui est tout proche de la phase mentale. Alors, le Nazaréen a encore fait, disons, un show public, mais il n'y a pas besoin de grand monde. Il y avait quoi, une quarantaine ou cinquantaine de personnes qui étaient là, pas plus que ça, mais ça se parle, hein? Alors, il a donc simplement, disons, dirigé l'énergie Lazare pour qu'elle retrouve le chemin de son corps. Évidemment, étant personnalisé, ce vital de Lazare-là, le corps a automatiquement été réveillé et en chaleur et en rythme cardiaque et en tout ça. Donc, ce qui fait que le corps, donc Lazare s'est levé, il est sorti de là. La mémoire identifiée du corps de Lazare ne pouvait pas se rappeler de ce qui s'est passé, mais il y a eu une transformation extraordinaire. Lazare l'a redécouvert par après. Je n'en parle pas non plus parce qu'on oublie, là. À ce moment-là, il a eu accès à ses mémoires. Par après, c'est ainsi ça. Que d'autres mémoires, probablement. Exactement, exactement. Alors là, le Nazaréen avait donc finalisé, disons, une expressivité, peut-être pas tout à fait totale, mais il était réellement maître de ce qu'on pourrait dire le temps et l'espace, et pour le maîtriser, il fallait qu'il le connaisse au complet, il fallait donc qu'il soit extérieur à ça. Et par après, le Nazaréen, il n'y avait plus de problème, il fallait qu'il meure pour réellement lui-même exprimer de par rapport à lui ces énergies-là, finaliser au complet la fusion des sept plans, et puis après ça, évidemment, être intemporel et immortel lui aussi. Alors, si je comprends bien, Daniel, le Nazaréen a, laissé son corps pourrir, qui s'est fait très rapidement dans l'espace de 3 jours, je pense. Non. Quelques heures. Quelques heures. Oui. Ah bon. Et puis, Lazare, lui, n'a pas fait ça. Il a gardé sa conscience cellulaire. Oui. Sa conscience cellulaire n'a pas pourri. Maintenant, la différence entre les deux, est-ce que ça serait parce que la conscience cellulaire du Nazaréen, soit chaque cellule, l'esprit qui est dans chaque cellule, vibrant à un taux tellement élevé, sortait un peu de la loi de la relativité? C'est-à-dire qu'il ne sortait pas de la loi de la relativité. C'est-à-dire qu'il était en dehors de la loi de la relativité. Ou la loi de la relativité ne s'appliquait presque pas à lui. Elle s'appliquait à lui. La loi de la relativité s'applique n'importe où, vu que c'est relatif. Alors, si lui était différent, donc c'était relatif par rapport à un autre. Donc, la loi de la relativité s'appliquait. Sauf que le Nazaréen, lui, ce qu'il avait, la différence avec Lazare, n'importe quelle personne qui arrive à personnaliser l'énergie supramentale est automatiquement capable d'emporter son corps à sa mort. Mais le Nazaréen n'a pas, comme tel, emporté son corps à sa mort. Le corps, il n'en avait plus besoin parce qu'il était devenu totalement intemporel. Une personne qui arrive à personnaliser l'énergie supramentale, c'est un individu qui est capable d'avoir un phénomène temporel qui n'est pas relié à celui de la planète, donc avoir un phénomène temporel qu'il est capable lui-même de contrôler, mais il ne peut pas encore y échapper. Par contre, il est capable de refaire une vitalisation du corps, donc il n'y a pas de vieillissement. Il est capable de faire différents phénomènes au niveau d'une, par exemple, style téléportation avec le corps au complet. Mais Lazare, lui, avait une personnalisation presque achevée de l'énergie supramentale. Elle a été achevée par ce phénomène-là, par ce périple-là, permis par le Nazaréen. Mais le Nazaréen, lui, avait une personnalisation déjà des sept plans, ce qui est totalement différent de la personnalisation de Lazare ou de la personnalisation de quelques rares individus présentement vivants sur la planète Terre. Alors, dans ce sens, le Nazaréen est évidemment extrêmement plus évolué. Maintenant, si de mémoire, là, si je me souviens bien, Lazare a été trois jours... La quatrième journée, le Nazaréen est venu me chercher. Ah bon, OK. Maintenant, tantôt, tu mentionnais, parce qu'on est parti sur le sujet, là, tu mentionnais justement que lorsque Jésus t'a laissé sous-entendre qu'à sa naissance, son corps était différent, c'était un corps préparé. Dans les livres sacrés ou spirituels, on nous dit toutes sortes de choses. On parle, par exemple, qu'il y a eu préparation, qu'il y a eu attente de façon à ce que, disons, une personne comme Marie passe, là, puis elle était prête, et puis que par vibration cosmique, par haute vibration, elle est tombée enceinte, il y a eu gestation, ainsi de suite. Est-ce que Jésus a réellement choisi son corps de cette façon-là, ou semblable à ça? C'est-à-dire que quand la race humaine a pu permettre l'enfantement d'un corps physique adéquat, alors automatiquement, l'énergie du Nazaréen a pu venir à l'intérieur. Maintenant, le Nazaréen avait différentes choses à faire dans le monde de la planète Terre, monde qui est extrêmement relié à son expressivité. Hein? Et puis, c'est des choses qui ont été contrôlées, comme toute la génétique humaine est contrôlée aussi. La génétique humaine est mathématique, mais c'est une mathématique qui est contrôlée aussi. Parce que la mathématique génétique peut faire en sorte que tu aies une race de fous comme que tu aies une race d'intelligents. Mais si tu laisses remettre ça entre les mains du hasard, pas de hasard, du hasard, ce qui peut arriver, c'est que tu n'es qu'une race folle. Parce que les caractères dominants d'une génétique vont, tu es fou, je suis intelligent, on se marie ensemble, on a un enfant, il peut être fou ou intelligent. Si ton caractère dominant était fou et intelligent, moitié-moitié, mais ça c'est fou encore un peu. Alors ce qui va arriver, c'est que lui qui est encore fou peut se marier avec une autre folle et avoir un enfant qui peut être intelligent ou fou, qui peut toujours être l'un ou l'autre. Et l'intelligent se marie avec un fou, ça donne encore un fou. Ce qui fait que la génétique doit être contrôlée pour que, ça c'est l'ego qui a permis ça, c'est-à-dire qu'une manipulation sur l'ego fait que on est deux fous, on a un enfant, lui est intelligent, ben il ne restera pas que des fous. Hein? Alors, il y a la loi d'attraction qui est juste reliée au niveau de l'ego pour l'instant. Alors, il se marie avec un intelligent, mais c'est contrôlé. Par la loi d'attraction. Oui, mais par une intelligence supérieure à la planète Terre, une intelligence de type supramental ou même encore de type bouddhique. Et là, on va être capable de contrôler une forme d'évolution génétique pour faire en sorte que le peuple, donc, cette forme génétique-là évoluée, se ramasse sur le même continent, ou se ramasse sur les mêmes terres. Donc, les peuples divins, à un moment donné. Et encore, à travers ces peuples-là, en faisant attention au mélange, en inculquant des lois religieuses, comme c'était le cas, par exemple, pour la naissance du Nazaréen, on avait les Esséniens, on avait les Nazaréens, on avait les Nazarites, on avait les thérapeutes, on avait déjà un groupement égoïque, religieux, d'intelligents, comparativement à un autre peuplade qui suivait sans trop se demander pourquoi, puis sans savoir trop. Et à travers ça, on avait les Romains, qui étaient des peuples guerriers, qui ont envahi, c'est l'ego toujours, et qui ont permis à la religion de continuer à vivre, c'était nécessaire. Et à travers tous les phénomènes des enseignements religieux, alors Marie étant vierge, donc ayant une vitalité extraordinaire, et elle a travaillé longtemps au temple, c'est-à-dire qu'elle a été élevée dans un temple, c'était une vestale justement, et en ayant un travail, dans, donc un contexte religieux qui l'obligeait à ne pas faire telle chose ou à faire telle chose, au niveau essénien, c'était la même chose. Les Nazaréens étaient la seule secte essénienne qui permettait l'engagement de femmes à l'intérieur de la secte à la condition d'avoir une progéniture. La progéniture femelle était automatiquement élevée dans le temple, donc pas par les Nazaréens. Seuls les enfants mâles étaient élevés par les Nazaréens. On pouvait adopter des enfants aussi chez les autres sectes, mais les Nazaréens acceptaient les femmes. Marie, elle, est née de père et de mère esséniennes, nazaréennes, mais étant une femme, elle a été éduquée par le temple. Mais la contrainte religieuse de l'époque permettait à différentes jeunes filles de devenir, de par leur éducation, de devenir des, disons, des mères d'enfants plus purs. Pourquoi? Parce qu'ayant été élevée dans un temple, on ne la remettait pas à n'importe qui. On la remettait à une personne réellement dirigeante, donc à une personne qui était déjà très évoluée. Et elle, cette personne-là, avait le droit d'avoir comme personne, disons, une personne vierge. Et selon certains concepts religieux de l'époque, dépendant à qui elle était remise, elle a fait la vierge, elle avait le droit d'avoir des enfants, donc de perdre sa virilité ou de la conserver. Ce qui a été le cas pour Joseph. Lui était déjà très âgé, et quand il a eu, disons, sa protection Marie, bien automatiquement, comme tel, il ne devait pas lui ôter sa virilité. Cette personne-là, en termes vibratoires, avait une affinité. Virginité, virilité, effectivement, oui, virginité. Mais je suis convaincu que si on l'aurait remis, il y avait du monde ici, hein. Pas ici dans la salle, tu parles ici. Oh, évidemment, pas dans la salle. Si jamais personne n'aurait osé toucher Marie. Bon. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a remis à Joseph. On voulait être sûr. Bon, c'est quelqu'un ici qui s'appelle Joseph? Voilà. Oui, ça c'est par tradition religieuse. Pour flatter notre ego. Alors, ce qui est arrivé, c'est que donc. Par ces caractères-là, donc, la génétique avait été contrôlée depuis longtemps par les impositions religieuses. Et puis, on est arrivé à avoir des possibilités, disons, d'enfantement d'un corps très, très, très hautement évolué. Ce qui fait que, pour ne pas perdre la tradition, on dit que Marie était vierge lorsqu'elle a eu un enfant. Hein? On n'a pas de médecin à l'époque pour vérifier, mais ça n'a aucune importance. La chose qui est sûre, c'est que les vibrations qui ont enfanté, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient de type vital ou qu'elles soient de type extérieur, de toute façon, il fallait que les vibrations qui ont permis l'enfantement du Nazaréen soient au minimum de type vital. Ça ne pouvait pas être autre, plus haut que le type vital parce que ça n'aurait pas pu donner un résultat dans la matière. Ah oui, il fallait que ça descende. OK, alors pas, disons okay. Que c'est physique ou vital, mais ça ne peut pas être autrement que ça. Mais on vu que c'était sale le fait d'avoir des relations, ben on décide toujours que ça a toujours été sale dans toutes les religions à cause du gaspillage d'énergie vitale. Alors pour au lieu d'expliquer ça au monde, c'est culpabilisé simplement, c'est ça. Alors ce qui fait que le Nazaréen effectivement, bon ben tout ça a été préparé au complet pour permettre la venue du Nazaréen. Et quand on dit que Dieu s'est fait homme, ben évidemment on parle d'une forme d'énergie potentielle, donc d'une réalité potentielle. Qui pouvait devenir une réalité actuelle, c'est-à-dire qui pouvait s'exprimer. Mais Dieu ne s'est pas fait homme. L'énergie devait passer par un phénomène physique, parce que cette énergie-là était reliée aux contraintes du temps et de l'espace. Et pour te libérer des contraintes du temps et de l'espace, tu dois faire en sorte que toutes les formes d'énergie reliées à ce phénomène d'espace-temps-là soit fusionné en un seul morceau avec l'énergie la plus proche de l'énergie intemporelle. Donc, cette énergie-là devait donc descendre dans la matière, parce que c'est le plus bas des expressions de l'énergie, et à partir de là, remonter toutes les étapes jusqu'au septième niveau, fusionner ça pour pouvoir être libéré. Donc, cette énergie-là qui n'était pas Dieu, pas dans le sens qu'on peut, disons, l'entendre présentement, est devenue homme, c'est-à-dire qu'elle est venue chercher un corps le plus évolué possible de l'époque. Et maintenant, tu peux dire que Dieu a été fait homme. Mais à cette époque-là, l'homme n'était pas Dieu. Dieu a besoin de l'homme pour créer sur la planète Terre. C'est évident, mais on parle toujours du Dieu dans les cieux. Oui. On parle pas du Père. Non, non. Dieu dans les cieux. Bon, oui, mais pas le Père du Nazaréen à la fin de son cycle de vie. Ah non, pas à la fin. D'accord. Non. OK. Bon. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait représenter cette énergie, cette lumière, Daniel, comme du carburant? Car il n'y a pas d'intelligence, c'est le réceptacle qui fait l'intelligence, soit le cerveau de l'être. Alors, à ce moment-là, d'accord, il n'y a pas d'intelligence qui a fait évoluer l'évolution, à part que ça a passé dans le cerveau de l'humain. Mais il y a quelque chose qu'on appelle les maîtres du monde, oui, qui gèrent la planète Terre. Ceux qui sont pognés dans l'espace-temps et qui ont fusionné 4, 5 ou 6 corps, mais non pas 7, et qui doivent, étant reliés à l'espace-temps, attendre que l'espace-temps disparaisse pour être libérés. Donc, leur travail pour se libérer est de faire en sorte que l'endroit sur lequel ils sont rattachés évolue au plus vite. Donc, ces maîtres-là, c'est les maîtres de l'humanité qui vont gérer ça. Alors, eux autres se foutent carrément qu'on ait des apocalypses ou n'importe quoi. L'important, c'est qu'on règle le phénomène une fois pour toutes. C'est ça, parce qu'eux ont accès à la pensée humaine, parce qu'étant proches, n'ayant pas fusionné, j'imagine qu'ils ont accès à la pensée humaine. Eh oui. Et puis, ils ont aussi accès à la pensée divine d'une certaine, jusqu'à un les certain saints, pourcentage. Les saints, c'est pas mal le même phénomène. Même chose. Maintenant, on dit qu'il y en a 12 ou 13 sur le... 14 ou 15. Ça augmente. Mais ça serait dans ces... Il n'y a pas des centaines, disons, le groupe qu'on appelle... Maîtres, le groupe qu'on appelle les maîtres du monde, c'est pas une centaine. Ce serait dans 10 à 15, disons. Oui. Mais ce groupe-là a des personnes pour les travailler avec eux autres. Des subalternes. Oui. Ce groupe de maîtres-là a eu une fusion au niveau de certains corps primaires. D'autres individus ont fusionné des corps encore plus primaires. La majorité des individus qui ont fusionné le corps physique vital et astral, ou le corps physique vital, astral et mental, font partie des reliques, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les saints. Bon, ces êtres-là sont immensément proches de l'être humain, du genre humain. Selon certaines vibrations de ces êtres-là, donc de ces fusionnés-là, ils vont avoir un travail dans le domaine spirituel si leur fusion, le corps fusionné supérieur est au domaine de l'astral. Hein? Si le corps fusionné supérieur est au domaine du mental, c'est extrêmement différent. Alors, ce qui fait que ces êtres-là vont pouvoir servir, disons, d'armée, hein? On parle d'armée, là, de groupement d'individus, pour pouvoir opérer dans le plan humain, sur la planète Terre, différentes missions qui vont leur être suggérées par, justement, ceux qui vont avoir fusionné 5 ou 6 corps. Et les 5 et 6e corps, c'est ce qu'on appelle présentement les maîtres du monde, qui sont évidemment maîtres du temps, mais qui ne sont pas libérés de la maîtrise du temps. C'est parce que ce sont des êtres qui souffrent énormément. Oui. Car si on prend Saint-Germain... C'est une souffrance absolument différente, évidemment, du plan physique. Là. C'est ça. Parce que si on prend, par exemple, le corps, c'est-à-dire le comte de Saint-Germain, qui aurait joué un rôle et qui jouerait un rôle, le fait d'être... Il n'aurait pas joué, il a joué. Il a joué un rôle, OK. Le fait de jouer ce rôle dans un corps physique, le fait de connaître l'immortalité et d'être obligé de continuer à vivre sur la planète Terre, connaissant ce qu'il y a de supérieur, ayant accès à un sang, même s'il y a peut-être un voile, selon les études qu'on a faites du comte de Saint-Germain, c'est presque un enfer vivre ça, même s'il parle toutes les langues que la Terre connaît. Quand tu es conscient que tu es pris, puis que tu es conscient du pourquoi tu es pris, puis que tu es conscient de ce que tu dois faire pour t'en sortir, disons que nous, on appelle ça une souffrance. C'est différent pour ces êtres-là, mais c'est évident que plus tu en sais, plus tu as tendance à pouvoir souffrir. Souffrance, évidemment, qui n'est pas reliée à l'ego. Parce que si elle est reliée à l'ego, tu n'en sais pas non. tant que ça. Ah ben non, définitivement, mais dans son cas à lui, disons, parce que oui. C'en est un que j'ai étudié l'homme, un pour peu. Finaliser intelligemment son phénomène, devrait fusionner 7 corps et non pas 5 corps. Et présentement, la démarche égoïque et d'espoir de l'homme, c'est de rentrer en contact avec l'énergie supramentale, fusionner au plus maudit pour régler ses problèmes. Et il va se ramasser à la même place que Zoro, se ramasser à 4 milliards de mètres sur la Terre, dans la Gartha puis dans Shambhala, avec 3 ou 4 individus sur la Terre. puis on va faire qu'on soit, qu'on s'organise pour régler ça. Oui, mais ces gens-là qui ont atteint ce niveau-là sont au courant qu'il faut qu'ils fusionnent leur secteur. Alors, ils ne resteront pas là. Ils ne font pas par plaisir. Ils font parce que c'est un job qu'ils ont à faire. Oui, mais maintenant, ils sont reliés à l'évolution de la planète Terre. Tant qu'à Terre, ça n'arrive pas à se débarrasser de ces problèmes-là, ces maîtres-là sont dans ces problèmes-là. Est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles, dans certains cas, il y a comme des provocations de guerre, par exemple, sur la planète Terre? C'est ce que je te dis. Ces êtres-là vont se libérer quand la planète Terre va pouvoir se relier au système solaire. Ces êtres-là vont être solaires. Ils vont pouvoir se libérer quand le système solaire va se relier à la galaxie, quand la galaxie va se relier à l'univers, quand l'univers va se relier aux autres univers qui créent un super univers. Et autour de ça, tu as le périsprit du temps. Et quand tout ça est fait, ces êtres-là sont libérés du temps, donc rejoignent, disons, le Nazaréen, c'est-à-dire qu'ils rejoignent le Père, celui qui était temporel et qui n'a pas d'espace non plus. Mais ce qui arrive, c'est que, étant donné que présentement, il y a des phénomènes qui permettent à l'homme, si l'homme arrive à personnaliser tous ses corps, il arrive donc au contrôle de tous ces corps-là. S'il fusionne, en contrôlant, il fusionne ces corps-là, l'homme fusionne tout le schéma global de l'univers, des univers dans lesquels on est placé, donc il arrive automatiquement à l'intemporalisation totale et intégrale de tous ses corps. Si l'homme fusionne un corps, donc les cinq corps, comme présentement, disons, ce qui serait la vogue, la tendance à vouloir fusionner ça plus à grand, c'est l'ego qui veut ça. Ce qui arrive, c'est que tu ne te libères pas du temps, tu peux le contrôler, mais tu n'es pas libéré du temps. Et tu ne peux pas faire autrement que de te relier par vibration aux entités qui sont pognées dans le même déboire que toi, vachement plus évoluées que l'homme, vachement plus pognées que l'homme aussi. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu es maintenant pris dans un autre phénomène et tu dois évoluer, attendre que tout qui est en masse de phénomènes comme toi pour donner une puissance suffisante pour pouvoir fusionner les deux ou le corps qui reste. Mais c'est long, parce que sont 14-15. S'il faut qu'ils soient 100 millions, ben, ils ont du temps à attendre encore. Alors, ils vont donc se démerder pour que la planète Terre forme de plus en plus d'initiés, de maîtres. Donc, ils vont s'organiser pour permettre, puis là, disons que c'est dangereux ce que je dis là, mais pour permettre l'évolution de la masse tout en forçant la masse à ne pas trop évoluer. Alors, ces maîtres-là du monde sont Yavik, mais à l'instant même où il va y avoir suffisamment d'individus sur la Terre qui vont pouvoir fusionner les cinq corps, ces maîtres du monde-là vont donc s'efforcer pour qu'ils fusionnent leurs corps. Donc, ils vont forcer ces êtres-là à ne pas évoluer plus pour rejoindre leur rang à eux autres pour qu'eux autres puissent après évoluer. Et le travail que moi je fais et que d'autres vont devoir faire, c'est de ne pas être manipulé par les maîtres du monde, mais c'est de fusionner les sept corps, pas cinq ou six pour rejoindre le rang de ceux-là. Désolé. Maintenant, Daniel, lorsqu'il y a fusion de sept corps, nous en avons eu seulement qu'une sur la planète Terre connue, je pense, soit le Nazaréen. Non, parce que je reçois des réponses qui s'embalancent comme l'an 40, parce que l'être humain n'arrivera pas à comprendre de toute façon. Mais c'est le travail de l'humanité, c'est ça. C'est ça. Lorsque quelqu'un fusionne ses cinq corps, la loi de dualité, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Disons qu'à Montréal, il y en a un qui fusionne cet après-midi. À Hong Kong, il y en a-tu 10 qui peuvent mourir de ça? Non. Pas à Hong Kong. Par contre, s'ils fusionnent dans le public, il peut y en avoir pas mal dans le public qui peuvent virer fous, qui peuvent mourir. Mais pas à Hong Kong. Ça n'a pas de répercussions au niveau de la planète. Non. Par contre, il peut se passer bien des choses au niveau de la planète. En termes d'idées énergétiques, mais il n'y aura pas, disons, de personnes qui vont mourir. Par contre, l'individu qui peut arriver à une fusion, ben, va bouleverser surtout l'entourage qui l'entoure. Autant végétal, animal que humain, là. Par rapport à la conscience atomique? Oui. C'est pour ça que c'est normalement un individu qui va fusionner, il ne fusionnera pas en public. Il va s'en aller ailleurs. Plusieurs ont fusionné dans leur tombe. Oui, je pense. C'est la meilleure place pour fusionner. C'est ce que je l'ai dit d'ailleurs. Ça organise pour mourir. Comme ça, tu as paix. C'est donc sa meilleure place pour fusionner. Oui. Alors, ceci, je pense, complète la première question. Et la première et puis, partie. Nous allons prendre une petite pause de 15-20 minutes et puis on va revenir à d'autres questions après la pause.